Les parents terribles de Jean Cocteau. Alors, c'est une pièce de théâtre. Alors, je l'ai vu il y a quelques semaines, donc malheureusement, j'ai un peu oublié, mais c'est peut-être pas plus mal pour faire un résumé. Donc, une pièce qui a été faite en 38. Alors, la pièce créée, hein, écrite légèrement avant, donc par Jean Marais. C'est pas merveilleux, ça. Alors, qui joue le rôle d'ailleurs du fils, Michel. Alors, c'est une pièce, alors comment dire? Bon, d'abord mes impressions. Au début, un peu de difficulté à rentrer vraiment dans la pièce. Bon, d'abord parce que c'est le propre de certaines pièces de théâtre, hein, de beaucoup de pièces finalement, des échanges. On ne sait pas sur quel ton les dire quand on ne connaît pas les personnages, donc c'est un peu difficile. Et puis, peut-être aussi, au début, je voyais vraiment pas je voyais pas ce qu'il y avait d'intéressant. Je voyais pas. Mais c'est normal, il n'avait pas noué les nœuds de la tragédie. Enfin, il les nouait doucement, du moins. Alors, d'abord, en fait, bon, là, je vais présenter les personnages, hein, je crois que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Alors, les personnages, il y a Yvonne, la mère, Georges, le père, Léonie, la sœur d'Yvonne, Michel, le fils de Georges et Yvonne. Alors, ensuite, il y aura un dernier personnage, c'est Madeleine, qui est la maîtresse de Michel. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une vraie tragédie grecque. Hein. Écrite avec de la langue d'aujourd'hui, ou d'il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que on est un peu dans l'Œdipe. Alors certes, l'Œdipe moderne, hein, ce que je veux dire, c'est que l'Œdipe moderne, parce que il y a un énorme écart entre la façon. C'est mon sentiment, hein, il faudra que je le confirme en poursuivant mes lectures, mais il y a un énorme écart entre la façon dont le complexe d'Œdipe est traité ici, ou de l'Œdipe est traité ici. Parce que ici on a Michel, le fils à maman. Voilà. Le fils à maman, le fils d'Yvonne et sa mère, très possessif, qui veut être l'ami de son fils, en toute amitié, quoi. Le truc, quoi. Le truc complètement irréaliste. Mais qui est revendiqué. Hein. Alors, il faut noter quand même aussi, bon, ça j'en parlerai peut-être plus tard, mais quand même, il faut que j'en parle maintenant, je n'y tiens pas. Elle est intéressante, cette pièce, parce que, bon, Cocteau, Jean Marais étaient ensemble. Et moi, j'ai l'impression que c'est presque une pièce sur l'homosexualité, alors, mais qui ne le dit pas, bien sûr, parce qu'on en est loin, effectivement, en apparence, on en est loin, mais Michel, donc joué par Jean Marais, j'aimerais bien le voir d'ailleurs, parce que il donne une impression, mais vraiment, de jeune fou. Bon, d'ailleurs, son amour pour Madeleine, d'une certaine manière, est irréaliste. Enfin, comment dirais-je? On ne le sent pas. Le personnage n'est. C'est comme si cet amour n'était pas crédible. Il est tout juste bon à aimer sa mère, celui-là. Bref, enfin. Je sais pas ce qu'avait en tête Cocteau en écrivant ça. Ce serait intéressant de le savoir. Ouais, peut-être que je lise Les Enfants Terribles aussi, puisque on m'a dit que ça existait. Ça me donnerait peut-être un éclairage sur Cocteau. En tout cas, donc c'est une pièce qui s'ouvre sur le fils qui est très léger, la mère qui est suicidaire parce que son fils est pas à découcher. Voilà, la pièce commence comme ça. Le fils n'est pas rentré. Or Georges, le père, n'est pas affolé, mais Yvonne a tenté de se suicider. Elle est fragile, elle est un peu fofolle. Bon, voilà. Léonie, c'est la femme, c'est la raison. Voilà, c'est la raison fine, hein, qui a tout compris à tout, hein, et qui tire les ficelles un peu. On apprend d'ailleurs, alors c'est un peu le drame qui se noue, que Léonie, donc la sœur de d'Yvonne, était la première fiancée de Georges. Georges, le mari d'Yvonne. Et puis, Georges a rompu et a finalement épousé sa sœur. Léonie, grande souffrance, mais elle a préféré. Alors, elle est restée seule. Il y a un côté, voilà, fidèle à l'amour qu'elle a eu. Bon. Elle est restée seule et elle a continué à vivre chez eux. Alors, ils appellent leur appartement la roulotte. Bon, bref. Alors, ça, c'est. Bon. Moi, on peut avoir plein d'images qui vont avec la roulotte. Je vais pas en dire parce que il y a un côté saltimbanque, quoi. Un côté, on n'est pas sérieux. Bon, ouais, peut-être. Mais il y a un côté private joke dans la roulotte que. Merci Jean Cocteau. Bon, prochaine fois, tu nous expliqueras. Hein. Alors ensuite, que se passe-t-il? Donc, ah oui, alors un petit mot. Donc la mère, ouais, elle un peu, voilà, elle vient de tenter de se suicider. A priori, c'est pas bon, pas très sérieux, mais enfin quand même. Et Georges, lui, alors lui, c'est l'inventeur raté, hein, qui joue pas son rôle de père, de mari, qui joue le rôle de rien du tout, en fait. Hein, c'est l'inventeur qui essaye d'inventer un fusil sous-marin à balles, hein, comme les fusils normaux. Je sais pas s'il y a aussi une réflexion à mener là-dessus sur le sujet de son invention qui paraît complètement. Fou! On aurait bien imaginé ça à peu près 20 pages dans 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Nemo ayant inventé le fusil sous-marin à balles réelles. Mais pas dans. Bon, ici d'ailleurs, on parle pas de technique, hein. Mais enfin, voilà, c'est un sujet. Bon, non, on fera allusion pour dire que Georges, vraiment, il a ses lubies. Et que, alors, oui, Léonie a fait un petit héritage. Elle a tout reçu d'une tante. Hein. Elle aurait pu donner à Yvonne, mais elle a tout donné à Léonie. Et Léonie ensuite fait vivre la famille avec son héritage. Donc, et la théorie de Léonie, c'est que elle fait vivre. La tante lui a tout donné. Parce qu'elle savait que c'était celle qui était à même de faire vivre tout le monde, qui a été assez généreuse et qui avait assez les pieds sur terre pour gérer cette somme et faire vivre tout le monde. Voilà. Bon, ceci étant posé, ça donne un peu l'image, quoi. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, après sur l'histoire, moi je me souviens surtout de la fin, je suis un peu embêté, enfin bon, tant pis, hein. Donc finalement, Michel rentre de sa nuit. Il a découché pour la première fois, il a rendu tout le monde malade, voilà. Et puis finalement, il finit par raconter petit à petit à Georges, à Yvonne, les raisons de son découchage. Bon, sans doute, hein. Léonie s'en doutait, elle disait, il y a une femme. Puis Yvonne, mais non, mais non, mais si, mais non, mais si. Bon. Finalement, effectivement, il y a une femme, Madeleine. Michel en parle. Michel avoue qu'il est amoureux d'elle. Alors, il explique aussi qu'il est un peu embêté parce que c'est une femme qui est, entre guillemets, un peu entretenue. Alors je sais plus, il l'a rencontrée en faisant des études, mais en n'allant pas au cours. Enfin bon, bref, il n'a pas vraiment été au cours, il a plus aimé que machin, mais enfin il l'a rencontrée, Madeleine. Alors maintenant elle vit de ses. Je sais plus ce qu'elle fait. Bon, elle fait pas de la reliure ou. Non, je sais plus. Mais enfin bon, il y a un côté un peu comme ça. Après des livres artistiques, je sais plus. Des tableaux peut-être, je sais plus. Ouais, peut-être des tableaux. Donc, mais elle était un peu entretenue par un vieux, un protecteur, comme on dit, mais qu'elle allait quitter pour Michel. Voilà, donc là, très bien. Et il a confiance en elle. Et d'après ce qu'on apprend par la suite, il avait raison d'avoir confiance sur ce point. Bon, pas sur eux, même. Il avait raison. Mais on apprend. Enfin, Georges comprend instantanément quand son fils lui raconte qu'en fait c'est parce qu'on se doute que. Ah oui, alors il faut quand même que j'explique. Léonie reproche à Yvonne de ne pas avoir été une femme pour Georges. Parce qu'elle s'est dit, voilà, moi j'ai plus d'amour, mon amour il est parti, enfin il est parti avec ma sœur, mais au moins il faut que eux soient heureux. Bon, ça, c'est ce qu'elle dit officiellement, hein, parce que bon, c'est ce qu'elle dit, quoi. Au moins que eux soient heureux. Sauf que Yvonne, enfin, fascinée par son fils, occupée par son fils occupé par sa mère, le Georges, lui, il compte plus. Mais il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Il s'est adapté. Et a priori, il la trompe. Et Yvonne le sait. Et ça la dérange pas parce que ce qui compte, c'est que son fils la trompe pas. C'est terrible. Donc Georges, bon là, il a des maîtresses, mais bon, on s'en fout un peu. Sauf que Léonie reproche ça à Yvonne. Elle dit, mais voilà, t'as même pas été une femme pour lui, t'es nulle, etc. Bon. Puis Yvonne, mais non, enfin. Puis c'est mon problème, et puis voilà, il a pas été malheureux, et puis voilà. Donc, Michel raconte son histoire. Georges comprend que cette Madeleine, c'est son amante, et c'est lui le vieux. Le vieux qui entretient un petit peu, bon, très nécessaire, mais voilà. Sauf que lui n'était pas encore au courant que, bien sûr, que Madeleine allait le quitter. Donc, il est. Il souffre énormément. Il souffre énormément. voilà. Alors, bien vite, Yvonne et Léonie le savent, mais on ne le dit pas à Michel, hein, parce que. Alors, ça, c'est un consensus complètement. Enfin, pas complètement, mais il y a un côté un peu bancal, parce que je vois pas bien en quoi ce consensus, enfin, sur quoi il repose. Ils ont décidé que, bien sûr, Michel ne devait pas le savoir. Parce que Michel, ne le supporterait pas. Bon, moi je veux bien. Mais je vois pas bien là, il supporterait pas. Le père, il a supporté l'horrible vérité de savoir que son fils sortait avec la même femme que lui, et puis bon, en plus c'est lui le perdant dans l'histoire, mais c'est normal, hein. Enfin, c'est normal, c'est l'âge, quoi. Et donc, je vois pas en quoi, pourquoi Michel ne pouvait pas le supporter. Bon, ça, je suis pas bien d'accord, mais enfin, c'est là-dessus, en tout cas, que repose le nœud du problème. Alors, Yvonne, d'abord, refuse tout. Elle est cette femme, c'est une voleuse, c'est une prostituée, c'est une. Enfin bon, parce qu'en plus elle est plus vieille que Michel. Ah! Deux ans ou trois, enfin, ou d'un an, enfin, très peu quoi. Entre un et trois. Mais bon, du coup, c'est une vieille. C'est une vieille, enfin, on est vraiment dans les clichés de l'époque quoi. C'est-à-dire que la femme doit être plus jeune que l'homme, elle doit être vierge, enfin bref. J'exagère, mais il y a un peu de ça. Tout ça n'est jamais dit, mais bon. Bilan. Il se retrouve en butte à Yvonne, quoi, qui refuse de tout, etc. Et puis Léonie propose de. Léonie est persuadée qu'il faut aussi séparer. Là aussi, on ne voit pas bien pourquoi. Parce qu'elle qui est la raison incarnée, bon. Mais elle propose de. Elle pense aussi que c'est pas un bon choix de Michel. Donc, il faut séparer Michel et Madeleine. Bon. Donc elle propose à Georges d'y aller avec Yvonne, qu'ils aillent tous ensemble les voir, donc dans l'appartement de Madeleine, et on se débrouillerait, excusez-moi, pour que Georges prenne à part Madeleine et l'oblige à rompre avec Michel. Voilà. Et tout ça sous couvert de, enfin, la gentillesse, la famille qui vient gentiment voir la fiancée du fils, quoi. Alors, c'est assez dégueulasse, hein. Enfin, c'est sûr que c'est assez dégueulasse. Bon, jusque-là, bon. Alors, Yvonne, donc, elle accepte, donc, revirement vis-à-vis de Michel. Michel, un peu surpris, mais très heureux, donc, il les attend là-bas. Sauf que Léonie arrive avant. Elle fait en sorte d'arriver avant, mais en cachette, pour s'assurer que Georges pourra parler à Madeleine en tête à tête, sans être entendu des autres. Mais elle fait semblant d'être bonne copine, bien sûr, hein. Bon. Voilà, bon, ça se passe. Et puis finalement, Yvonne et Georges arrivent. Léonie dit qu'elle venait d'arriver, donc bah, c'est important vis-à-vis d'Yvonne. Enfin bon, c'est une petite mesquinerie. Et là, finalement, on laisse assez rapidement Georges et Madeleine. Alors, Madeleine, elle est effarée, quoi. Déjà, quand elle voit Georges, elle a le choc. Elle comprend que son amant, c'est le père de son amant. Voilà. Alors, du coup, Georges, qu'est-ce qu'il dit? Il la menace. Il lui dit, écoute, maintenant, ok, moi j'ai compris pour moi, d'accord. Mais il lui reproche, hein, il fait son jaloux de base, son le gros, le, il fait l'affreux. Là, c'est vraiment affreux. Hein. Là, pas du tout sympathique, le bonhomme. Et il fait pression sur Madeleine pour qu'elle rompe avec Michel. Pour cela, d'abord, il lui sort toutes les horreurs du monde, que bon, s'il y en a deux, il peut y en avoir trois ou quatre, ben, bref. Et mais alors, en plus, Madeleine, c'est la, elle est parfaite, quoi. En plus, hein, elle est gentille, elle est machin, enfin bon, elle est parfaite, quoi. Donc il menace et l'argument qu'il trouve finalement, c'est de dire bon, écoute, soit tu romps, soit on dit tout à Michel. Et comme et là encore, consensus. Au début, on pense qu'elle va pas céder et puis finalement elle cède. Consensus général sur le fait que oh le pauvre Michel, il faut pas lui dire. Oh, petit crétin là, il faut vraiment le ménager, hein, celui-là. Oh là là là là. Ce qui est quand même absurde, pour protéger Michel de ça, on est prêt à lui retirer la femme qu'il aime, et a priori, ils s'aiment vraiment énormément tous les deux. Donc ça n'a pas de sens, je veux dire, bon, que Léonie et Yvonne ne veulent pas le dire à Michel, moi je veux bien, bon, mais pas, bon. Puis à la limite, c'est plutôt le père, enfin, qui aurait honte aussi, enfin bon, bref. Ça, c'est le ressort un peu fragile, mais bon, il en faut bien un, et à la limite, une fois qu'on l'admet, bon, bah, on peut jouer avec. Alors, et pour cela, il lui souffle le mensonge. Il dit, bah écoute, t'as qu'à dire que tu as un autre amant qui te fait chanter, en gros, mais t'as pas le choix, quoi. Que voilà. Elle accepte. Elle accepte. Vraiment, vraiment dans un état, je trouve plus mes mots, mais dans un état de désespoir profond, hein. Les autres la rejoignent, donc les autres, Michel, Yvonne, Léonie, la rejoignent. Et puis là, Georges dit, bon ben voilà, j'ai discuté avec Madeleine, mais elle a quelque chose à te dire, c'est pas une très bonne nouvelle. Bon. Puis Madeleine, bon, elle est tétanisée par l'horreur de la situation, donc elle n'arrive pas à parler. Et Georges parle à sa place, très très finement, hein. Ah ben voilà, elle vient de me dire, hein, tu confirmes Madeleine, et puis Madeleine, bon. Et puis Michel, en parfait crétin, hein, parce que excusez-moi, vraiment j'aime pas ce personnage. J'aime pas. Mais en parfait crétin, bah alors lui il prend la mouche tout de suite, hein, bien sûr. Il déteste Madeleine instantanément, hein, cet idiot. Hein, il a pas compris. Ça, bon, ok, on va me dire la souffrance, tout ça. Moi je veux bien, mais enfin l'amour aussi. L'amour ça devrait aussi protéger contre ça. Mais enfin bon. Donc bien sûr, il n'a même pas besoin d'une réelle confirmation de Madeleine, qui ne dit peut-être pas trois mots, je me souviens plus, mais enfin, c'est à peine si elle dit trois mots. Et puis Michel, il va pleurer dans le giron de maman, qui se permet même de dire, mais attends, c'est, allez, tu pouvais pas deviner, mon petit garçon, enfin bon, la mère consolatrice, bon, quand on sait ce qui se passait, c'est pas terrible. Alors voilà. L'horreur, quoi, l'horreur, l'horreur, l'horreur. Donc, Michel part avec Yvonne et Georges. Et Léonie reste quelques instants derrière. Avec Madeleine. Et Madeleine est effondrée, hein, bien sûr. Et Léonie, c'est très intéressant, là aussi, revirement. Et revirement pour dire, bah, écoute, voilà, maintenant je t'ai vu. J'ai eu tort. Voilà. Tu es celle qu'il faut pour Michel. Tu as de la valeur, je vois que tu es quelqu'un de très bien. Donc, non. On va faire en sorte que tu sois avec Michel. Alors pour ça, attends, c'est quoi là? Tu viens demain à la maison, à telle heure. Bon, d'accord. Donc Léonie a confiance parce que, bon, enfin, Madeleine a confiance parce que Léonie, effectivement, est assez convaincante et d'ailleurs, elle est sincère, donc il n'y a pas de problème. Et Léonie dit, bon, ben moi, je me charge de préparer le terrain. Alors, là, il faut que je me souvienne. Donc, pour préparer le terrain, d'abord, elle parle à Georges, je crois. Elle explique à Georges que finalement, voilà, l'amour, tout ça, que c'était finalement par pur égoïsme, qu'il voulait pas que son fils soit heureux, enfin, qu'il voulait se venger de l'amante, etc. Bon, voilà. Et après un certain temps, il finit par convenir que c'est vrai que c'est pas possible. Ils peuvent pas faire une horreur pareille. Donc, c'est ok, Georges est d'accord. Yvonne, c'est plus dur, mais ils y arrivent aussi, à deux. J'imaginais la scène, quoi. Yvonne, amoureuse de son fils. Enfin bon, surréaliste, quoi. Et puis sa sœur, qui est l'ex-fiancée de son mari, qui la convainc tous les deux. Enfin, c'est pas mal, déjà. Alors, que dira-t-on à Michel? Parce que voilà, si on va lui dire qu'elle a menti, parce que Georges l'avait poussé à le faire, mais sans révéler que Georges était l'amant de Madeleine. Non, ça on le réveille pas. On révèle pas parce que, hein, pauvre Michel. Alors, donc Michel, on lui explique. Et puis on fait rentrer Madeleine. Et puis c'est l'amour, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis Yvonne s'éclipse discrètement dans la salle de bain. Et ça rappelle le début du bouquin parce que sa tentative de suicide, c'était dans la salle de bain. Elle avait bouffé, je sais pas quoi, les médocs. Et comme on s'y attend, elle a tenté de se suicider. Et donc c'est l'horreur, tout le monde s'affole. Et finalement, Yvonne meurt dans les bras de Léonie, alors que Michel était parti chercher un médecin. Voilà. Voilà la pièce, hein, c'est terrible. Alors, j'ai noté quelques beaux passages à la fin. Excusez-moi une seconde. Alors, tout d'abord, un passage. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Page 80. Et qu'ai-je noté? Le mensonge. Alors, discussion entre Madeleine et Michel. Ah oui, Michel, il faut savoir, il appelle sa mère Sophie. Alors, Madeleine. Ah oui, voilà, il y a une déclaration de Madeleine sur le mensonge, que j'ai trouvé belle, alors je vais voir. Je hais le mensonge. Le moindre mensonge me rend malade. J'admets qu'on se taise ou qu'on s'arrange pour faire le moins de peine possible, mais le mensonge de luxe. Je ne me place pas au point de vue de la morale. Je suis très amoral. J'ai l'intuition que le mensonge fausse des mécanismes qui nous dépassent, qu'il dérange des ondes, qu'il détraque tout. Voilà, là c'est très intéressant, ça, je trouve. L'intuition que le mensonge fausse des mécanismes qui nous dépassent. Et ça, on ressent bien, hein, je trouve que je ressens très bien ce qu'elle veut dire. Effectivement, il y a un côté au-delà de la morale. Alors, et d'ailleurs, ça explique pourquoi plus tard elle sera bouche bée au moment de dire ce qu'elle aurait dû dire. C'est Georges qui parlera à sa place. Bon. Alors, page 86, contradiction. Contradiction. Qu'ai-je écrit? Quel passage? Parce que j'écris pas. Hein. Alors. Alors, Michel et Madeleine. Voilà, ils se donnent du courage pour la journée de demain où les parents vont venir. C'est ce qui te donnera du courage demain, gna gna gna. Un petit Madeleine qui répond: n'en parlons plus, je te le demande, puisque Georges il y a, admets que j'avais pour Georges la tendresse que j'aurais pour ton père, que j'aurais pour ton père, que je... Donc elle a passé de aurait à aurait, parce que bon, les deux s'appellent Georges, donc elle dit bon voilà, t'inquiète, moi j'aimais Georges, parce qu'elle a toujours été honnête, elle a dit j'aimais Georges mon amant, mais pas le même amour que pour toi, qui est un vrai amour. Donc, puisque Georges il y a, admets que j'avais pour Georges la tendresse que j'aurais pour ton père, que j'aurais pour ton père. Michel, mais Madeleine, chut. Michel, tu m'en veux? Je t'en voudrais de ne pas être jaloux. Je t'en voudrais d'être jaloux. Je t'en voudrais de ne pas t'être mis en colère. Je t'en voudrais de ne pas t'en vouloir de t'être mis en colère. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Enfin, c'est dit. Voilà. Madeleine, l'honnêteté. Elle disait vrai quand elle pouvait pas mentir, hein. Et je trouve, mais c'est terrible de dire la vérité comme ça. Elle paraît forcément un peu contradictoire. Je répète la phrase. Tu m'en veux? Je t'en voudrais de ne pas être jaloux. Je t'en voudrais d'être jaloux. Je t'en voudrais de ne pas t'être mis en colère. Je t'en voudrais de ne pas t'en vouloir de t'être mis en colère. Voilà. Tout est là. Et ça, je sais pas si les femmes le ressentent autant que nous, les hommes, mais alors, moi en tant qu'homme, qu'est-ce que je l'ai ressenti? Cette demande contradictoire de la part de la femme. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, voilà. Alors après, ensuite, page 108, deuxième paragraphe, Georges, m'aimes-tu? Alors je crois que là c'est le mensonge. Alors, c'est Georges et Madeleine. Donc Madeleine expliquait qu'elle aimait Georges, qu'elle l'aime en fait. Et Georges va énerver tout ça, il peut pas entendre ça. C'est parce que c'est le fameux je t'aime mais je te quitte des femmes qui est vraiment insupportable, c'est vrai. Donc Georges supporte pas cette finesse là, voilà. Donc Madeleine répond oui Georges, j'ai pour vous une tendresse immense. D'ailleurs là elle est plus précise, une tendresse immense. Georges répond naturellement. Madeleine, laissez-moi parler. Que vous le vouliez ou non, je vous ai donné ce que je croyais ma mesure. Vous me parliez d'une fille morte. Oui, Georges avait menti, il disait qu'il avait une fille morte. Vous étiez bon. Vous ne ressemblez pas aux autres hommes. J'étais une loque, une noyée, ou presque. Je me suis accroché à vous. Je me suis attaché à vous de tout mon cœur. Et Georges, je ne vois qu'une chose. M'aimais-tu? Je t'aimais, moi. Je t'adorais, moi. Et je te demandais mille fois, m'aimes-tu? Et j'ajoutais, c'est impossible. Et tu me répondais, mais non, Georges, je t'aime. Est-ce exact? Et la réponse de Madeleine, magnifique. Georges, il y a des réserves qu'on n'exprime pas, qui se devinent. Il m'arrivait de répondre à vos questions. Je t'aime beaucoup. Vous vous mettiez en colère, vous me suppliez, vous me harceliez. De guerre lasse, je vous disais, mais oui, Georges, je t'aime. Je t'aime tout court. Et Georges répond, il ne fallait pas me le dire. Voilà. C'est terrible, ça, c'est vrai que la tyrannie de celui qui veut les mots que l'autre ne veut pas donner. Et il se ment lui-même. Il aura les mots, mais voilà. Et c'est vrai que c'est ça arrive tout le temps. Alors là, c'est sur le pire du pire, puisque c'est l'amour. Mais je pense que ça arrive tout le temps dans la vie. Et j'aime bien. Il y a des réserves qu'on n'exprime pas, qui se devinent. Alors ça, c'est simple hein, comme phrase, mais elles se devinent si on veut les entendre. Voilà. Et Georges ne voulait pas les entendre. Il refusait même. Et j'aime aussi le... Elle est passée du « je t'aime beaucoup » à « je t'aime » et puis, comme si on pouvait pas se résoudre à dire « je t'aime », elle rajoute « je t'aime tout court ». Ça aussi, c'est sublime. C'est « je t'aime tout court », c'est justement pas tout court. Et la différence entre le « je t'aime » et le « je t'aime tout court », c'est justement que on n'a pas pu se résoudre à le dire tout court. Donc, on dit « je t'aime tout court ». C'est marrant hein, de dire que finalement, la phrase est en contradiction avec elle-même. On peut pas dire « je t'aime tout court ». Si on dit « je t'aime tout court », c'est que on n'aime pas tout court. En tout cas, bon, je dis pas en général, mais dans cette situation, c'est quand même assez... Voilà, d'ailleurs, la phrase suivante de Madeleine, une fois que Georges lui dit « il ne fallait pas me le dire », Madeleine qui répond « ces derniers mois, quel cauchemar, j'ai tenté l'impossible pour vous ouvrir les yeux, vous ne vouliez rien voir, rien entendre. » Voilà. Et Georges répond « je me rongeais ». Donc il savait. Il savait, mais il voulait pas. Et Madeleine répond, vous vous obstiniez dans votre attitude contre toute sagesse. Voilà, c'est ça. contre toute gentillesse. Voilà, magnifique. Je trouve que là, il est vraiment fin, Cocteau. Alors, je l'aime. Alors là, page 109, oui, c'est tout près. Alors. Georges demande à Madeleine si elle aime Michel. Aimes-tu Michel? Et là, elle répond très finement. Au compte de qui m'interrogez-vous? À son compte ou au vôtre? Et là, Georges répond. C'est son père qui te parle. Parce que finalement, c'est ça la question. Est-ce que c'est en tant qu'amant ou en tant que père? Madeleine, je l'aime. Il est à moi. Michel, c'est moi. Je ne peux plus m'imaginer sans Michel. La malchance rend très humble. Rend très humble. Bon. Si je vous ai donné le change, c'est que j'étais sincère. Je me croyais indigne de posséder plus. Je n'espérais pas d'amour. Pas davantage d'amour que le nôtre. Ah, déjà là, c'est dit, hein. Je n'espérais pas d'amour, pas davantage d'amour que le nôtre. Et ça, c'est pareil, c'est très humain, je sais pas. Moi, voilà, c'est terrible cette phrase. Il fallait que Michel arrive pour que je comprenne que l'amour, ce n'est pas pareil, et que j'avais le droit d'être heureuse. Une chance aussi incroyable, Georges, je ne la rêvais pas. Voilà. C'est quoi l'amour? Voilà. Alors, un dernier passage, 141, je crois que c'est la fin. Ah non, pas tout à fait. Loin de là même. Alors. Georges parlant à Léo. Donc elle essaye de. Elle est en train de le retourner pour qu'il accepte Michel et Madeleine ensemble. Alors. Donc Léo qui dit à Georges, c'est très simple. Georges demandant, et que dirions-nous à Michel? Et Léo dit, c'est très simple, que Madeleine a été sublime, et nous serons bien près d'être exacts, qu'elle a inventé ce numéro 3, l'homme, pour le rendre libre, pour le restituer à sa famille, à son milieu. Sic. Il ne l'en adorera que davantage, elle le mérite. Georges, je ne te savais pas ces trésors de cœur. Mon cœur ne servait à rien. C'est le moment qu'ils servent. J'aime Michel, c'est ton fils. Alors ça, c'est beau déjà comme phrase. Mon cœur ne servait à rien. Ouais, voilà, bon, j'étais délaissé, tu m'as aimé, tu m'as laissé tomber. Voilà, bon. C'est le moment qu'ils servent, bon. J'aime bien le j'aime Michel, c'est ton fils. C'est presque une façon de dire je t'aime. Hein. C'est vraiment magnifique. Et Georges répond, et tu aimes Yvonne, Léo? Léo, n'est-ce pas contre elle que tu dépenses et que tu agis? Que tu te dépenses et que tu agis? Et là, la réponse de Léo est sublime. Ne fouille pas trop le cœur, Georges. Il est mauvais de fouiller trop le cœur. Il y a de tout dans le cœur. Ne fouille pas trop dans mon cœur, ni dans le tien. Silence de Georges. Voilà, moi je crois que ça, toutes les ambiguïtés de Léonie qui est parfaite, enfin on l'appelle Léo, hein. Mais elle est parfaite et puis bon, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas parfaite parce que bien sûr Georges, quand il s'agissait de se défendre, il a trouvé la faille et là elle a tout de suite bien réagi. Non bah oui bah ok, j'ai ma part d'ombre mais bon, on en a tous et ça sert à rien de trop déterrer. Alors ça c'est un point de vue, hein. Disons qu'elle a assez de bonnes choses, je pense qu'elle agit quand même au nom de bonnes choses pour qu'on ne lui reproche pas qu'une partie de sa motivation vienne de mauvaises intentions. Voilà. Alors, il y a un autre passage, mais alors là, je ne l'ai pas noté, hein, mais vraiment, il m'a intéressé, c'est pas. Alors, c'est la fin, la mort d'Yvonne, hein, c'est pas rien quand même. Alors, je relis. relis un peu. Hein, vous êtes patient. Une belle phrase à un moment. Quand Michel revient et Léo lui dit inutile Michel. Michel répond fiche-moi la paix. Léo, ta mère est morte. Michel, quoi? Georges, Mick, mon pauvre Mick. Michel, Sophie, parce que Sophie donc c'est le nom d'Yvonne par Michel. Léo, le voilà votre milieu. Vous donneriez n'importe quoi pour qu'Yvonne soit vivante et pour la torturer après. Et là, Michel s'énerve forcément, il dit Léo! Georges, Michel, tu oublies que tu es chez ta mère. Bon, qu'elle est morte. Hein. Et puis Michel, frappant du pied, est vraiment antipathique ce garçon. Il n'y a pas de mère. Sophie est une camarade. Maman, dis-leur. Ne m'as-tu pas répété 1000 fois? Madeleine. Michel, tu es fou. Michel. Dieu, j'avais oublié. J'oublierai toujours. Jamais je ne comprendrai. Jamais. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Ouais, je ne comprendrai jamais. Là, c'est ce qu'on appelle je sais pas, un déni ou il veut pas le refoulement. Enfin bref, en tout cas, il veut pas accepter que sa mère soit une mère. Hein. Enfin, il veut une amie, ce qui le rend supportable peut-être ses sentiments. Alors Yvonne mourante, voilà, c'était ça le passage. Restez, restez, je vous l'ordonne. Mick, Mick, on te trompe, on t'écarte. Parce que, oui, c'est terrible. Yvonne, sur le point de mourir, alors que Michel venait de partir, elle veut le rappeler pour lui dire la vérité sur Georges. C'est terrible. Tout à coup, son mauvais côté revient. Elle dit, bah, avant de crever, je vais tous vous. Bon, bref. Donc, restez, restez, je vous l'ordonne. Mick, Mick, on te trompe, on t'écarte, c'est un prétexte, les misérables. Je ne vous laisserai pas profiter de votre sale besogne. Non, pardon. Léo, au pied du lit. Terrible. Yvonne! Yvonne, c'est toi, toi qui as tout manigancé. Tu voulais ma mort, tu voulais rester seule avec Georges. Voilà, tout ressort là. Georges, quelle horreur! Yvonne, oui, quelle horreur! Et je. Elle retombe. Georges, pourvu que l'interne arrive, si Michel prenait une voiture. Léo, il se croiserait avec l'interne. Georges, mais que faire, que faire? Léo, attendre. Yvonne ouvrant les yeux. Mick, tu es là? Où es-tu? Georges, il est là, il va revenir, il va venir. Yvonne, d'une voix douce. Je ne serai pas méchante, je ne voulais pas. Je vous voyais tous dans le coin, j'étais seule, seule au monde, on m'avait oublié, j'ai voulu vous rendre service. Ma tête tourne, Georges, redresse-moi, merci. Léo, c'est toi et cette petite, je l'aimerai. Je veux vivre avec vous, je veux que Mick. Tu verras ton Mick heureux, reste tranquille, le médecin arrive, nous te gardons, ça c'est Léo. Yvonne. Quoi, c'est vous? C'est encore vous? Et toi et Georges? Qu'on les arrête, qu'on m'interroge! Ah, ils crèvent de peur, vous ne me touchez pas, ne m'approchez pas, qu'ils viennent, qu'ils entrent, Michel, Michel, au secours, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Michel, Mick, Mick, Mick, Mick, Mick. J'ai respecté le texte. C'est important de respecter le texte. Georges et Léo, pendant les cris d'Yvonne. Yvonne, je t'en conjure, couche-toi, repose-toi, tu vas te tuer. Tu vas te tuer de fatigue, écoute-moi, écoute-moi, aide-nous. Léo a saisi l'un des oreillers tombés par terre pendant qu'Yvonne se débat. Elle veut lui soulever la tête, se redresse lentement, laisse tomber l'oreiller et regarde Georges. C'est impossible. Voilà, elle est morte. Bon, alors c'était pas ça la phrase. Mais bon, c'est important, hein, la mort de. Y a une phrase, un lapsus de Léo qui a énervé Yvonne, qui était assez terrible. Alors, faut que je trouve. Je cherche, hein. C'est très, il faut pas. Alors. Ah voilà. Et c'est là que les mauvaises motivations de Léo à un moment percent la surface. Un court instant, mais une phrase terrible qui va retourner complètement Yvonne. Alors la scène, c'est avec Yvonne, Léo et Madeleine. Madeleine, quand elle voit l'état d'Yvonne qui est en plein suicide, lui dit, mais son pouls est très faible. Il est égal, mais très faible. Léo, je sentais quelque chose, je le sentais. Madeleine, elle s'écarte du lit. C'est ma faute, ma place n'est pas ici, je dois partir. Léo, partir? Madeleine, quittez Michel, madame. Léo, ne soyez pas stupide, restez, je vous l'ordonne. Du reste, Michel va avoir besoin de vous, comme Georges aura besoin de moi. Silence. Et cette phrase est terrible. D'ailleurs, Yvonne répond tout de suite. Je t'entends, Léo. Qu'est-ce que tu entends? Je t'ai entendu, tu as oublié que je pouvais entendre. Entendu quoi? Fais l'innocente, on veut se débarrasser de moi, on veut. Léo, Yvonne! Yvonne, je me suis empoisonné, et je vous empoisonnerai, Léo, je vous ai vu là-bas dans le coin, je vous ai vu tous, on voulait me mettre au rancard, on voulait, Mic, Mic! Voilà, donc. Ça, c'est cette phrase terrible. Alors, on peut dire que Léo a anticipé la mort d'Yvonne, tout simplement. Elle sentait bien qu'elle s'était foutue. Bon, possible. Évidemment, c'est même un peu, sur le plan rationnel, c'est tout à fait défendable. Mais la phrase est terrible. Devant Yvonne, c'est vrai. Ne soyez pas stupide, restez, je vous l'ordonne. Du reste, elle a tout fait, quoi. Du reste, Michel va avoir besoin de vous, comme Georges aura besoin de moi. Les deux couples. Et voilà. Terrible. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fini pour le bouquin. C'est déjà pas mal pour un bouquin qui est pas très gros. Une pièce qui fait quoi? Pour une pièce, c'est peut-être beaucoup, je sais pas. 170 pages, bon. En gros. Voilà, une pièce qui rend. Voilà, il y a des vérités qui sortent, des phrases magnifiques. Et bon, une belle tragédie, quoi. Voilà, donc c'était Cocteau, les parents terribles.